Oui, donc c'était John. Non, mais on est en direct là, Thierry, c'est pas grave. voilà, Mickaël qui prend les photos. Enfin bon, c'est un petit peu. Bah, vous connaissez Bulle de Rêve hein, maintenant, si vous c'est savez, vous savez bien que c'est un petit peu de temps à autre. Donc vous écoutez bien. Bulle de Rêve, c'est Radio Libertaire, l'émission 100% cinéma d'animation et cancan et photos que quand on était jeune, enfin ce genre de choses pendant la pause. Mais quand on est hors pause, on parle avant tout de cinéma d'animation. Francis, t'as pensé quoi de la sélection d'Annecy 2010? Parce qu'on parle évidemment du festival d'Annecy avec plein de monde autour de la table si vous venez d'arriver. Il y a vraiment plein de gens et on va parler un petit peu là maintenant de ce qu'on a pensé du festival. Et donc Francis Gavel, que vous connaissez bien, va nous dire ce qu'il a pensé de la sélection de cette année par rapport à celle de l'année dernière qu'il avait faite. Je ne prends pas comme ça en fait, parce que d'abord et d'une, je sais ce que ça représente de faire une sélection. Je l'ai effectivement vécu en 2009. Je sais après qu'on est énormément exposé pendant une semaine, quoi. Pendant deux semaines, en plein hiver, à Annecy, à trois personnes, on est dans un petit cocon, et là, on sent vraiment en disant, tiens, ça, c'est un vrai coup de cœur, on y va, tout ça, et c'est bien que ça puisse fonctionner comme ça. Et après, on sait que pendant une semaine, on va être, pour chaque film, décortiqué, quoi. Toute la sélection va être décortiquée. Donc après, on a soi-même, je sais que toi, par exemple, c'est le Japon, donc on a des domaines qu'on aime, qu'on a envie de mettre en avant. Donc je crois que la grande satisfaction et le grand bonheur, c'est que Annecy, changeant ses comités de sélection tous les ans et demandant à différentes personnalités ou intervenants de l'animation d'y participer, ou au-delà de l'animation, parce que je ne me considère pas comme un intervenant de l'animation, on a la chance de pouvoir... une année, voilà, être un directeur littéraire, j'ai envie de dire, du Festival d'Annecy et de choisir des films. Donc moi, après, dire la sélection cette année, elle n'était pas bien, elle était bien. Je sais que c'est une sélection qui, sur les premières séances, m'a rendu très perplexe en me disant, mais qu'est-ce que... Comment ils ont travaillé, comment... Moi, j'étais plutôt à me demander, à la limite, c'est la question que je te poserais. Voilà. C'est comment ils ont travaillé, comment ils ont fait leur choix, quel a été leur processus. Et sur les premières séances, j'étais assez perplexe, à part sur quelques films dont on s'attend qu'ils soient Annecy, comme The Lost Thing, le film qui a eu le cristal. Oui, mais par exemple, quand on le voit, on se dit que c'est un petit peu une évidence. Uh-huh. C'est le film de qualité. Pas pour moi. Bien. En tout cas, pour de l'auditoire d'Annecy et du monde de l'anime, on dit c'est le film de qualité, un objet bien bouclé où rien n'est laissé au hasard. Et donc qui peut fonctionner, quoi. Je suis content que tu dises ça, c'est pour ça que je t'ai passé la parole en premier. C'est parce qu'en effet, je me rends compte que moi, maintenant, ayant fait la sélection, les choses ont complètement bouleversé et il y a un vrai changement dans ma vision de voir les choses. Et c'est vrai que pas mal de gens, très peu, c'était ma surprise, ont finalement critiqué en disant, certains disant que c'était la plus mauvaise sélection qu'ils avaient vue à Annecy depuis des années, comme Abby Feijo par exemple, qui est président de la CIFA, ex-président de la CIFA, Origina Pessoa, je sais, quelqu'un que j'aime beaucoup en plus, hein, de Catherine, Hélène Vessière, pardon, d'Arte, paraît-il, on dit. Et ce qui m'a épaté, c'est que, alors je dis des noms parce que j'aime pas ne pas dire des noms, dire il y a des gens qui auraient dit, c'est pas pour dénoncer, ils sont les bienvenus ici évidemment pour parler de ça, parce que l'idée n'est pas de balancer des noms pour le plaisir, c'est juste parce que c'est vrai que je me suis dit, maintenant que moi qui ai fait la sélection, je crois que je pourrais plus revenir en arrière, et Dieu sait si j'étais un râleur, et le premier peut-être, et de dire ouais, cette sélection elle est nulle, parce que c'est vrai que c'est tellement complexe finalement de faire une sélection qu'en fait ça rend assez humble. Ça me paraît, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire qu'on se dit, les choses sont compliquées à faire. Alors, pour te répondre à ta question rapidement, c'est pas moi l'invité, mais pour répondre rapidement à la question, en effet, ce qu'on s'est dit, c'est que moi, dès la première matinée, en fait, avec mes deux collègues qui ont été absolument exceptionnels, qui s'appellent Isabelle Favé, réalisatrice de court-métrage, et Jennifer Oxley, réalisatrice de séries télé et de court-métrage, c'était de dire, si on se laissait... Si on se faisait confiance l'un l'autre. C'est-à-dire que s'il y en a un de nous qui dit, plutôt que d'avoir un joker, s'il y en a un de nous qui dit, non, ce film-là, je l'adore, je vais absolument le passer, et si moi, je l'aime, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui vont l'aimer. Et l'une des plus grosses critiques que j'ai eues, on a eu deux critiques par rapport à cette série, trois en fait réellement, qui est un film, j'en parle rapidement, et comme ça, vous parlerez ensuite des choses, qui est un film de Mamoru Oshii, qui a fait Ghost in the Shell, qui est un film qui s'appelle Je t'aime, qui est un court-métrage avec un chien, une femme cyborg, etc. Alors là, tout le monde m'a pourri la vie en disant, mais qu'est-ce que ça fait en sélection? C'est nul, c'est une honte, etc. Et je suis content parce que je l'avais sélectionné pour moi et un de mes étudiants, qui s'appelle Clément. voilà, c'était vraiment pour nous deux et il a aimé. Alors peut-être qu'il mettait ça pour me faire plaisir, mais il a aimé parce que je considère qu'il y a tout Mamoru Oshii en fait dans ce film-là, c'est-à-dire cette espèce de vision désespérée du monde. On nous a critiqué pour un film absolument horrible, alors là que j'aurais vraiment pas voulu voir en compétition, qui s'appelait le film sur une chanson d'été une fois, qui s'appelait J'ai encore rêvé d'elle, qui était une volonté du directeur artistique du festival, qui a dit ça serait bien, c'est rigolo, il faut le montrer. On lui a fait confiance, parce qu'il n'y a aucune raison, après tout, qu'on ne puisse pas faire confiance aussi à quelqu'un. Il a dit son mot, il a dit, moi j'aimerais bien qu'il y soit, et on lui a fait aussi confiance, parce que l'idée n'était pas que ça soit, quand on va voir cette sélection, on va dire, Alexis Hunault est nul, ou Jennifer Huxley est nul, c'était, après tout, c'est bien aussi que tout le monde ait sa vision des choses, et ça, c'était un petit peu notre vision des choses. Et un troisième film que j'ai oublié, donc c'était peut-être pas si important que ça, mais je sais que c'était un petit peu... plein de gens ont bien aimé, donc on va pas faire un petit topo, mais c'est juste pour dire que c'est vrai que c'est compliqué et que mais revenons à votre vision des choses qui est plus intéressante. Je sais que Samuel doit partir assez rapidement. Je dis des choses intéressantes assez rapidement. Ça serait super bien. Toi, si t'as quelque chose à... Non, intéressante, je préfère, Richard, excuse-moi, toi, si tu devais garder... je sais que c'est la question un peu facile, un peu bête, mais qui est toujours importante, je trouve, quand on sort d'un festival. Qu'est-ce qui t'a marqué cette année dans ce festival en positif? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué en... Et après, on va réagir les uns les autres par rapport à ça. En négatif, on va dire, dans ce qui est censé, ce qui est le 50e anniversaire du festival d'Annecy. Qu'est-ce qui t'a marqué en premier? Est-ce que c'est un film, une ambiance, etc.? C'est difficile. Enfin, par rapport à la question sur le cinquantenaire, ce qui m'a pas marqué, c'est le cinquantenaire. Enfin, je veux dire, il y a pas eu. Enfin, c'était une belle édition d'Annecy, Puis on est toujours content aussi de retrouver des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir souvent. Mais par rapport à l'aspect historique, alors c'est pas pour jouer au vieux con, mais à l'aspect patrimonial, etc., j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu vraiment un effort de fait et une réflexion vraiment avec un angle pointu sur ce que pourrait être une manière de présenter l'histoire du festival, quoi. Alors sans tomber dans un truc un peu lourdingue, mais bon. Voilà, enfin, alors il y avait des programmations traveling avec un peu des rétrospectives, il y avait des choses. Bon, après, c'est sûr qu'on peut pas tout voir non plus. Bon, il y avait l'exposition au musée Château qui était intéressante. Je dis pas qu'il y avait rien, mais c'est vrai que, je crois que je suis pas le seul à avoir ressenti cet aspect un peu de se dire, c'est 50 ans, et alors, quoi. Enfin, qu'est-ce qui distingue l'édition du cinquantenaire d'une édition habituelle. Donc là-dessus, peut-être un petit peu un regret, je sais pas, un truc où on se dit, ils auraient peut-être pu marquer le coup de manière un peu plus... Alors, le temps que tu réfléchis à ce qui t'a marqué, parce que je vois plein de... Ouais, c'est ça le direct. Évidemment, je vois plein de têtes qui font comme ça, notamment Thierry Florentine à côté de moi, c'est un peu comme des petits chiens à l'arrière, des trucs comme ça, qui font comme ça. Donc, évidemment, je peux pas m'empêcher de t'arrêter, excuse-moi, c'est pour leur demander. Prêt. Thierry, toi qui es là depuis 71, tu nous l'as dit. Est-ce que t'as ressenti ça, le fait que finalement, on n'était pas dans une édition anniversaire et que ça aurait pu être n'importe quel anniversaire. C'est évident, on a raté, l'événement qu'il fallait fêter. Si on n'était pas au courant, c'était un festival comme un autre festival, il n'y avait aucune charge pour fêter l'événement des 50 ans avec tout ce que ça représente, tous les grands prix qu'il y a eu, tous les gens qui sont venus, tous les films qu'on a vus, sans parler des grands prix, il y a aussi plein de mentions spéciales, d'autres films du jury. Sauf que c'était. Jury. Excuse-moi, Thierry, mais c'était voulu par la direction artistique. Serge Lambert l'avait dit lui-même en grand en disant : je ne veux pas fêter d'anniversaire, je ne veux pas que ça soit un anniversaire. On ne le fête pas, alors on ne dit pas que c'est 50e. Et on n'édite pas un bouquin qui est complètement nul, qui fête 50 créateurs, 50 créatures monstrueuses sur un film, sur un livre qui n'y fait ni à faire. Enfin, je n'en fais pas des livres comme ça. Je savais que ça allait. Il y a Richard aussi qui est là, qui a 4 ans. Pour l'édition en elle-même, mon avis, c'est que c'est une édition de creux de vague. C'est pas une grande année, c'est pas un bon cru. C'est comme ça depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 100 ans. On va pas non plus se mettre martel en tête. Mais il y a toujours des films. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a toujours des films. Il y a toujours des films de technique aussi, ce qui est très important. Moi, ce qui m'a encore interpellé, c'est qu'il n'y a pas des films que d'ordinateur. Il y a 5 ans ou 10 ans, on s'est dit, ah, ça y est, on est foutu, l'animation, ça va être que du 3D. Maintenant, on fait encore des films. Thierry, excuse-moi, ouais. je te coupe, on va revenir là-dessus. Juste d'accord. Vraiment pour le 50e anniversaire, parce que je sais que Florentine voulait réagir, je ne sais pas si d'autres personnes. Beaucoup de gens ont ressenti ça, c'est-à-dire le fait que, par exemple, à la soirée de clôture, il y avait ces 50 créateurs qui étaient invités, que finalement, ils ne sont pas montés sur scène, il n'y a pas eu d'image importante, alors qu'au musée du Château, on a droit à ces images qui, nous, aujourd'hui, créateurs, en tout cas, qui aimons l'animation, font rêver de voir McLaren à côté de Chuck Jones, Trenka, et on se dit, waouh, à une époque, il y a ces gens-là qui étaient tous ensemble, comme. Voilà. Et là, d'un seul coup, il y avait la possibilité, finalement, personne n'est monté sur scène. Et donc, est-ce que, en effet, ce non-événement, finalement, du 50e anniversaire, est-ce que. Toi, tu l'as ressenti comme quoi? Comme une envie de. Moi, c'est une tristesse, parce que. Bon. Par exemple, il n'a pas pu venir. Mon cher monsieur a 90 ans, bientôt sonné, Bozsev Poyar, le premier Grand Prix. Je sais pas, c'est pas complètement inaperçu. C'est comme si Cannes faisait une rétrospective. Et puis, non, on parle pas de Fellini de 8,5, on parle pas de Apocalypse Now, parce que pourquoi, on sait pas. Mais on fait l'impasse sur plein de choses. Et là, je comprends pas ce qui s'est passé. Et quand on voit l'exposition qui est dans le baladoir, cet espace qui est, quand on va dans la grande salle, quand on monte l'escalier, je comprends pas qu'on fasse une expo de MJC aussi médiocre. Aussi médiocre. Demander des petits dessins comme ça d'anniversaire faits sur un bout de table, à part quelques graphistes, quelques auteurs qui ont un certain talent, mais la plupart, c'était vraiment pas très bon. Moi, ce qui m'a gêné dans le livre, je suis un peu moins dur que toi, ce qui m'a gêné dans le livre surtout, c'est qu'en fait, ça sent tout petit. C'est-à-dire que je disais, franchement, qui a participé ou d'autres, je trouvais ça bizarre, c'est qu'en fait, il y a des grands trucs de leur film, mais en fait, les créations pures sont en... C'est vraiment tout petit, c'est en plein milieu de la page, et en fait, on les voit quasiment pas, et il y en a certains qui ont fait des trucs super léchés, super... Et en fait, on voit rien du tout dans ce dessin-là, alors qu'il aurait pu être fait sur une plus grande chose. Après, je suis un peu moins dur, je pense que le livre, c'est bien d'avoir 50 créateurs qui soient légitimes, pas légitimes, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, je trouve ça plutôt pas mal d'avoir ça. Florentine, toi qui faisais aussi, qui te dînais de la tête... Pour les invités, les 50 invités, on pouvait les voir, certains, dans les séances de dédicace du livre, mais sinon, à part ça, je pensais effectivement qu'à la soirée de clôture... Il y aurait au moins, on les nommerait au moins. Là, quand même, Serge Bombert a dit les 50 invités sont là, levez-vous. Personne ne s'est levé. Il a redit levez-vous. Il y a 15 personnes qui se sont levées et ils se sont rassis et on passait à autre chose. C'est vrai que c'était très décevant. Ensuite, on n'a pas. Ils n'ont pas été présentés, ils n'ont pas fait de séance. Même pour effectivement les travelling, Sixies, etc., qui étaient en très mauvaise qualité. Ça c'était très décevant, quoi. C'est vrai que, alors, j'étais très contente de revoir certains films, Le Loup Gris, Le Petit Chaperon Rouge de Bardine, le revoir, c'était vraiment très bien. Les choses, j'ai découvert même des films que je connaissais pas, mais c'est vrai que par exemple, rien que pour la qualité des projections, ça devait être des vieilles vidéos VHS qu'ils avaient remis sur des DVD ou je sais pas trop ce qu'ils avaient fait, mais c'était assez horrible. Il y avait un dunning qui était sur blanc, du feu sur, enfin on voyait rien du tout, enfin c'était déplorable, oui, parce que ils étaient montrés en très mauvaise qualité sans dire ce qu'ils avaient gagné, enfin sans dire ce qu'elle était, si c'était une mention, sans redire l'année ou même sans petite présentation. Et c'est vrai que c'est très dommage, il y aurait eu plein de choses à faire. Sauf que est-ce que ce problème d'accompagnement du spectateur, depuis qu'on a abandonné de faire le quotidien, depuis que t'as abandonné de faire des petites pages, c'est pas nouveau, donc c'est peut-être, est-ce que c'est si surprenant que ça? Je ne sais pas, quelqu'un veut réagir par rapport à ça encore. Thierry, qui a été pendant longtemps le rédacteur en chef du quotidien, justement, au festival. On peut se poser la question, le problème, la réponse officielle pour le quotidien, c'est ce qui a été dit, plus de budget. Bon, soit. Cela dit, ça ne me paraît pas suffisant comme explication, parce que le quotidien avait un succès important auprès du public. C'était vraiment un outil indispensable. C'est devenu en plus un outil vraiment, pas de polémique, mais donc c'était quelque chose qui faisait vivre un peu le festival, qui donnait un peu des opinions pas toujours politiquement correctes. Enfin bon, moi ça a toujours été mon optique, et puis celle aussi de Jean-Luc. Enfin bon, Jean-Luc, ancien directeur du festival, c'était de faire quelque chose qui n'était pas forcément la prise de bec du festival, mais dans lequel on pouvait effectivement dire et montrer tout ce qui n'était pas vu par tout le monde. Ça c'était bien. Bon, maintenant qu'il n'y en ait plus. Oui, parce que pour les plus jeunes, il y avait un quotidien. Qui sortait avec, en effet, des interviews, ce genre de choses, pour souvenir, parce que tout le monde ne se souvient pas forcément du quotidien, avec des plumes, en effet, plutôt intéressantes. Je rappelle d'un journaliste italien qui faisait des choses assez, je me rappelle plus son nom, mais qui faisait des choses assez surprenantes. Andrea, voilà, qui faisait des choses où chacun réagissait et c'était drôle, on se retrouvait en plein banlieue en disant « t'as lu l'article d'un tel, etc. » Et donc il y avait des interviews de réalisateurs et ce genre de choses qui permettaient de réagir. On a eu des scandales, le quotidien, on a eu par moments des choses chaudes. Bon, un critique français, toujours vivant, donc je ne citerai pas, qui avait fait quelque chose de très très méchant sur McLaren. Bon, il a le droit, il n'aime pas McLaren. Bon, il l'avait écrit, mais il l'avait écrit d'une façon tellement sincère que ça avait mis la délégation québécoise et canadienne en émoi et on avait frisé l'incident diplomatique. Il a fallu faire un droit de réponse, enfin bon... Est-ce qu'on réserve les avions pour les retours et tout? Enfin, c'était vraiment assez marrant. Wow. Bon, ça c'est vite assez parce que bon, c'est pas non plus... Un quotidien qui tire à 3000 exemplaires, c'est pas non plus Libération ou Le Monde. Samuel, ce qui t'a plu? Évidemment, vous le savez, hein, Michael aussi, tout le monde, hein, vous savez, si vous avez réagi à des choses comme ça, vous pouvez bien évidemment réagir. C'est, je vous l'avais dit, on fait un débriefing d'ADSI, donc vous levez la main, ou même pas. Vous prenez le micro, vous arrachez le micro de votre voisin en disant « Non, c'est scandaleux, n'hésitez pas. » Samuel, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a, voilà, de quoi tu te souviens de cette ADSI 2010? À part la projection de ton film. Ouais, non, mais il y a plusieurs films qui étaient quand même assez intéressants. Après, bon, voilà, une sélection, c'est toujours un choix. On n'est pas forcément toujours d'accord avec tous les films. On n'est pas touché par les mêmes choses. Que dire, il y avait c'est vrai que moi je suis plus sensible à l'animation en volume, donc là voilà, du fait même que de la technique, il y a des choses qui m'intéressent plus que d'autres, mais Untold, j'ai trouvé ça plutôt suédois, plutôt bien. Ouais. Donc avec deux marionnettes qui avaient le même nom en fait et qui se retrouvent habiter l'une à côté de l'autre, et finalement il y a une sorte de code qui s'instaure entre les deux, et puis donc il les lie un peu d'amitié, et puis après il y a l'histoire d'une rupture en fait, et j'ai trouvé ça assez bien amené parce que le thème de l'amitié traité comme ça est pas forcément commun, et puis donc il y avait un côté comme ça très minimal dans la mise en scène et qui était assez réussi. Alors c'est un film qui est assez lent, enfin qui prend son temps, etc., mais plutôt chouette. Alors j'ai regretté de pas voir Esterhazy dans des conditions meilleures de projection parce que je l'ai vu, mais l'image était vraiment pas top, quoi. C'était à Decavision et on voyait un peu en double en fait, donc c'était un peu compliqué de suivre le film. Ouais. J'avais oublié les lunettes 3D. Ouais. Alors c'est bizarre, est-ce que vous avez remarqué ça aussi? Moi j'ai eu aussi un problème de Decavision avec des choses qui étaient coupées, qui n'étaient pas au bon format. Est-ce que c'est pas un problème par rapport au Festival d'Annecy? Parce que je sais qu'il y a un producteur franco-belge qui râlait beaucoup, et je comprends Arnaud Demain qui râlait d'une projection au FICAM au Maroc, où il est sorti un peu furieux d'un de ses films. Est-ce que je peux comprendre? Parce qu'évidemment, quand on est créateur et qu'on est même producteur, donc créateur forcément, et puis là il est co-réalisateur, ça doit être dur de voir son film projeté dans des mauvaises conditions, on va dire. Mais alors encore plus quand c'est le Festival d'Annecy, ça doit être assez dur de voir. Toi, Sarah, t'as déjà eu ça, non? Non. Tes films ont toujours été présentés. À Ottawa. Oui, ça m'est la première fois que j'ai vu mon premier film à Ottawa. Film d'étudiant, donc. Non, c'était mon premier film professionnel, Novecento. Donc c'était une petite salle avant la grande projection, et donc c'était la première fois que je le voyais projeté. Et la colorimétrie était, je sais pas ce qu'ils avaient fabriqué. Tous les rouges apparaissaient rose fuchsia, et j'en suis sortie détruite. Et surtout j'étais terrifiée parce que comme c'était la première fois que je voyais mon film sur grand écran, j'avais peur que la production ait complètement raté l'étalonnage. Mais bon, tout s'est très bien passé. On n'a pas envie de hurler en plein milieu de la salle. Arrêtez tout. Ils sont trompés. C'est surtout que c'est très frustrant parce que quand on sort d'une telle projection, on commence à en discuter avec les réalisateurs qui ont vu, ou les autres spectateurs. Et puis on peut pas s'empêcher de leur dire mais c'était pas ça, les couleurs étaient pas bonnes, ça devrait complètement être autre chose. Et eux, bien sûr, ils n'ont que cette version là en tête, et ils répondent très calmement mais ne t'inquiète pas, c'était très bien. Et du coup on se sent isolé dans une sorte de position très un peu folle. Samuel, Autre chose Bon, il y a Cinema, donc Greyman, qui était très bien. Bon, ça, après, je crois que le palmarès lui a bien rendu. Et puis, moi, j'ai bien aimé les journaux de Lipset aussi. Ouais. Donc, voilà. Donc, un film de Théodore Ouchet. C'est marquant. Alors, c'était une séance où j'étais au premier rang. C'était peut-être pas une très bonne idée parce que, du coup. bon, voilà. J'aimerais bien le revoir, mais j'ai trouvé ça très bien. Et puis, c'est pas parce qu'elle est là, mais La femme squelette aussi, que j'avais déjà vu. J'étais heureux de le revoir. Donc, ouais. Et je trouve qu'il y a un côté un peu hypnotique comme ça dans le film. Et pourquoi là, je sais, c'est une... parce que la question de l'intervieweur, la réalisatrice est à côté. Non. En plus, on en avait parlé avec Sarah, donc il y a pas de souci. Notamment le fait qu'il y ait une voix off avec un texte assez très écrit comme ça, qui est pas un texte facile de prime abord. Et du coup, je trouvais que par rapport à l'image, qui a un côté si on reprend le terme de la peinture italienne, le côté un peu flou là, le sfumato là, il y a ce côté et donc l'un et l'autre, ça donne une ambiance onirique. Et du coup, je trouve que le texte, c'est-à-dire le ce que raconte le texte, je dis pas que c'est pas important, mais ça passe un peu en retrait, je trouve, par rapport à une sorte de musicalité de la voix qui en plus est appuyée par la musique qui est assez répétitive comme ça, un peu à la Philip Glass. Et du coup, on est vraiment entraîné dans une sorte de mouvement comme ça, qui épouse aussi cette espèce de d'enfoncement aquatique de la femme qui va. Voilà, je trouvais qu'il y avait un truc intéressant. C'est intéressant. Ça fait combien de fois que tu l'as vu ? Je l'ai vu deux fois. Parce que moi, au bout de la. Je l'ai vu au Maroc, à Meknès. Et je m'étais dit, il faut que je le revoie, notamment par rapport à cette histoire de son, quoi. Est-ce que. Parce qu'au Maroc, j'étais pas sûr de la qualité de la projection. Et là, en le revoyant, effectivement, je sais pas si c'était vraiment volontaire, mais il y avait des mots que j'arrivais pas à entendre. Mais finalement, c'était pas très gênant. En fait, on s'en fichait. Quoi. Non, c'est drôle parce que moi, ça fait la quatrième fois que je le vois. Et en effet, au bout de la quatrième fois, je me suis rendu compte, ça m'a fait la même impression. C'est-à-dire que la première fois, j'ai voulu absolument écouter le texte, chaque mot. Et j'étais un peu perdu la première fois où je l'ai vu. La deuxième fois, et plus ça avance, plus je me dis, OK, le texte, je le connais. Et en fait, j'ai que des mots. Pas des mots, mais j'ai des bribes, et en fait je me laisse porter par cette voix, et finalement je me dis pas, il faut que je comprenne le texte à la virgule près. Et je pense que cette quatrième fois est encore plus agréable pour moi dans le visionnage que la première. Alors peut-être parce que bon, ça, on se connaît un petit peu, donc quand on voit un film de quelqu'un qu'on connaît, on a toujours un peu d'appréhension à dire, bon, est-ce que je vais aimer son film, est-ce que je vais pas l'aimer, etc. La deuxième fois c'était déjà mieux, mais je trouve que je me suis beaucoup plus laissé porter finalement par cette voix. Est-ce que t'as eu des retours par rapport au film, justement ? Bah justement, quand Serge Bromberg m'a interviewé le lendemain de la grande projection, sa réaction m'a fait très plaisir parce qu'il m'a regardé comme ça et il m'a dit « Quel film étrange ! C'est un film qu'on a envie de revoir !» Alors je me suis dit « Ah, ça c'est au moins, ça, c'est une belle entrée en matière !» Bon, c'est effectivement quelque chose qu'on m'a souvent dit. Mais je pense que c'est vraiment ça tient au parti pris de base du film, c'est-à-dire que c'était une expérience cinématographique pour moi, mais je me suis dit allez je tente, on verra bien si ça passe. Je voulais en quelque sorte noyer la logique du spectateur en le bombardant d'informations de façon à toucher préférentiellement son subjectif, voilà, le côté affectif de l'abord du film. Je voulais prendre le spectateur dans une sorte de boucle et l'empêcher d'avoir prise sur une espèce de logique cinématographique plus classique. Voilà. Alors, c'est drôle que tu dises ça parce que hier j'étais voir une projection d'un film qui s'appelle La femme à cordes. Vladimir, et il va m'excuser, je me souviens plus de son nom, qui avait fait À Feu, qui est un ancien étudiant de l'ENSAD, et il a fait un film, vous pouvez voir la bande-annonce, et c'est étonnant parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une nouveauté dans l'animation, tirée, je sais pas, avec des films qui sont plus longs. J'ai fait une petite chose, je vais publier un petit article parce que c'est vrai que c'est très intéressant au niveau des grands prix d'Annecy de voir qu'aujourd'hui il vaut mieux que son film fasse plus d'un quart d'heure pour avoir le grand prix d'Annecy que 5-6 minutes, alors qu'à une époque 5-6 minutes ça passait vraiment facilement, et qu'aujourd'hui depuis quelques années les films qui font moins d'un quart d'heure, il y en a eu un depuis des années qui a fait moins de 5 minutes, qui était Lorenzo, le film de Disney qui fait 4 minutes 26 pour être précis, qui fait moins de 5 minutes, qui a eu le grand prix. Sinon la plupart des grands prix font normalement, beaucoup font plus d'un quart d'heure, voire des 30 minutes, comme Pierre et le Loup, voire des 25 minutes, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vision cinématographique, beaucoup plus cinématographique de ce qu'a pu amener la prise de vue réelle, avec des choses justement où on est plus perdu et on va moins dans le côté purement technique. Et tu disais qu'il y avait beaucoup de techniques, mais on y va. Et on réfléchit plus au niveau d'une mise en scène, d'une narration, comme dans ton film, comme La femme squelette, et qui n'est pas forcément d'impressionner techniquement sur 5-6 minutes. Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un délire personnel ou est-ce qu'il y a tout à fait. Un petit fond de vérité? C'est un délire personnel. Ok, merci. Moi, j'ai pas tout vu à Annecy, donc j'ai quand même une vision un peu en retrait. J'ai vu que 4 programmes de compétition et 2 d'étudiants. Donc, j'ai vu un festival light. Cela dit, si on s'organise bien, on peut tout voir dans l'essentiel. Moi, ce que tu dis, c'est vrai, il y a des films de plus en plus longs, mais en même temps qu'ils sont longs parce qu'ils sont trop longs. Parce qu'ils sont, je dirais, peut-être mal montés aussi. Des fois, je pense que le spectateur, depuis 100 ans de cinéma, on commence à avoir une lecture un peu plus, je pense, plus rapide. Et je trouve que par moments, on se complaît dans des plans qui s'éternisent, qui disent pas grand-chose, sur lesquels bon, on s'endort, quoi. Donc, effectivement, il y a des films longs, mais pas forcément intelligemment longs. Je suis pas d'accord, mais on va laisser quelqu'un d'autre parce que je suis que l'animateur, même si des fois c'est difficile. On va laisser Richard, visiblement, qui voulait dire quelque chose par rapport à ça. Moi, il y a plusieurs choses. Déjà, les films se rallongent parce que c'est plus simple de les faire plus longs qu'avant. Aussi bien d'un point de vue technique qu'en France d'un point de vue financier. Il y a même des incitations à faire des films plus longs parce que les télés payent plus cher les films plus longs. Mmh. Donc c'est déjà un point, et la France n'est pas exceptionnelle sur le sujet puisque la plupart des télés achètent avec un prix à la minute. Donc il y a une incitation à faire du film plus long, déjà à la base. C'est un délire qui vient du court-métrage de fiction et qui est en train de rejaillir sur l'animation. Ça a certains bons côtés, ça a aussi un paquet de côtés pervers. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ça tombe dans ce qui arrive à la fiction, c'est-à-dire qu'à force de faire des films tellement longs, et ben, plus aucun festival ne les prend. Donc ça, c'est un gros problème. Après, ce qui vient d'être dit sur la longueur... moi, j'aurais tendance à être d'accord, en fait. La plupart des films que j'ai vus à Annecy cette année, j'ai vu que les 5 programmes de compétition. Pour la majorité d'entre eux, il y avait toujours un moment où je me disais « Ouais, ça aurait pu être coupé. Hein. Ça, on aurait pu s'en passer. » Même ceux que j'ai vraiment beaucoup aimés, comme Hanso, par exemple, où il y a un moment, avec le moment où la grenouille vient chanter, je me suis dit, bon, ça aurait pu durer 10 secondes, ça aurait suffi à porter le message du plan et à dire ce que le plan avait à dire. Alors que là, on stade toute la chanson, ce qui dure quand même entre 1 et 2 minutes. Ouais, mais est-ce que justement, c'est pas l'intérêt d'un réalisateur, finalement, que l'animation aujourd'hui n'allait plus dans le message, dans l'évidence du message assez rapidement, comme techniquement on était obligé à une époque et fallait être... entre guillemets efficace, et aujourd'hui un réalisateur peut-être qu'on peut considérer... Mais là, moi, je ne parle pas d'un point de vue animation, je parle d'un point de vue cinématographique. Mais moi, je te parle moi aussi, parce que cinématographique, moi, je suis pas animateur, je parle si un mec de fiction m'avait fait un plan filmé comme ça, je lui dirais de la même manière, c'est trop long ton plan, c'est chiant, ça casse le rythme de ton film, et c'est mal monté. Enfin, c'est pour moi, ça... Non, c'est vraiment en tant que cinéphile, c'est pas du tout ni en tant que producteur, ni en tant que producteur d'animation, ni même en tant que spectateur de films d'animation. C'est vraiment en tant que cinéphile, je vois pas pourquoi un film a besoin forcément de traîner en longueur, des trucs comme ça. Il n'y a pas de honte à faire un film bien monté et bien construit, même quand on fait du cinéma artistique. Sarah, tu voulais réagir ? Oui, pour moi, même un film lent doit être construit et doit, même si le propos est introduit de façon progressive et globalement lente, pour moi, il y a quand même un rythme. C'est comme une symphonie. C'est pas parce que le rythme n'est pas soutenu, enfin, est plus lent ou plus doux, qu'il n'y a pas une vraie composition. Et je crois qu'à partir du moment où on n'a pas cette rigueur-là, il y a des longueurs, il y a des moments où le spectateur s'ennuie. Et donc, voilà. Ouais, même pour un film long, je crois qu'il faut faire attention au rythme et être rigoureux. La problématique est la même que pour un film court, finalement. Marine ? C'est juste que par rapport à cette année, par exemple, moi, et aux années précédentes, j'ai trouvé que dans les programmes de court-métrage, on avait souvent du 10 minutes et plus. Et il y a quasiment aucun moment où je me suis dit, je me fais chier, quoi. Et souvent, j'ai été portée par des univers à certains moments et tout, et ça m'a pas dérangé de me dire qu'il y avait des plans que je trouvais finalement un peu longs, ou enfin c'était même pas la question finalement du rythme ou de quelque chose comme ça, c'est qu'on est tellement projeté dans l'image et dans quelque chose. Après je comprends tout à fait le fait de dire qu'effectivement un film doit être construit quoi qu'il advienne, que ce soit une blague de 30 secondes ou un film d'un quart d'heure, mais je trouve qu'on va vers quelque chose. Enfin moi ça me fait plaisir de voir des gens en animation qui veulent peut-être juste se faire plaisir sur un plan méga long, qui effectivement pourrait dire ce qu'il a à dire en 30 secondes, mais le mec il t'en fout 2 minutes, et toi tu vis avec ça aussi sur le coup, et tu plonges dans quelque chose. Après c'est une question de goût, mais moi globalement les films étaient plus longs cette année que les années précédentes au niveau des sections, et je me suis beaucoup plus fait chier sur J'ai encore rêvé d'elle, qui était absolument immonde par exemple, que sur des films comme Ensoap où alors moi c'est carrément la scène de la grenouille, je l'aurais coupée parce que je trouve ça dommage d'avoir niqué le film sur une scène comme ça, peut-être un peu plus facile, mais question longueur et choses comme ça, j'ai pas du tout été déçue ou et c'est quelqu'un qui fait des plans fixes de 3 minutes. Je fais du faux fixe quand même. Oui, non mais ça c'est autre chose. En tout cas, c'est Mickaël, tu veux dire quelque chose? Il y a un truc que je trouve marrant en fait, c'est que c'est les plus vieux en fait de la table là, qui ont relevé ce problème-là, qu'aujourd'hui on était habitué à un rythme un peu plus rapide tout ça, alors que d'habitude c'est les plus jeunes genre qui voient Redline et waouh c'était mortel et tout. Enfin c'est voilà. Ce qu'ils veulent faire jeune en fait. moi je pense pas la même chose. Hein, je suis plus vieux aussi. Et je reviens sur Third and Turn, là il se passe pas grand chose, il y a pas beaucoup d'animation et les plans sont assez longs, et moi devant ce film j'ai trouvé ça vraiment puissant quoi, ce qui se passait entre les deux personnages. Et dans le cadre du festival sinon je trouvais ça bien justement qu'il y ait des moments longs, parce que quand c'est que des films construits très rapidement qui s'enchaînent, ça m'est arrivé moi de me dire à la fin d'un film oh putain j'ai loupé des trucs en fait, ça allait trop vite. Parce qu'on repense au film précédent, etc. 30 ans. Ok. Richard, on va être en ping-pong maintenant après tout. Et Samuel, faut que Samuel aille. Un dernier mot après. Ouais, on laisse Richard d'accord. Et je te remercie. Oui, je crois qu'il y a une petite confusion. Il y a une différence entre un... Sur mon âge ? Non, je suis plus vieux que j'en ai l'air. Non, c'est la différence, la nuance entre un film lent et un film avec des plans longs. Un film, comme l'a dit Sarah, un film lent peut avoir un montage assez serré ou être une succession de plans qui ne sont pas forcément des plans qui traînent dans le temps, et en général ça, c'est même moi ce que je préfère. Je prends pour exemple Le Dernier Germouche, c'est un film je pense que la grande majorité des gens avec qui j'en ai discuté entre ce film chiant à pleurer, c'est un film qu'on peut pas faire plus lent d'un point de vue d'un point de vue du rythme, parce que c'est extrêmement contemplatif. Mais le montage n'est pas du tout avec des plans de 10 minutes. C'est un montage avec un montage relativement serré, avec des changements d'angle de vue, des prises de parti, des choses comme ça. C'est ça qui est intéressant. Je finis. Ouais. J'insiste. Moi, pour moi, à part peut-être Esterhazy, que j'ai vraiment trouvé trop long, tout court, la plupart des films, je ne les ai pas trouvés trop longs en durée. J'ai trouvé qu'ils avaient des moments où le rythme s'écroulait et que ça cassait le film, parce qu'il y avait un ou deux plans qui étaient vraiment interminables, ou qui vraiment étaient redondants sur des choses que le film avait déjà dites. Ce qui veut dire un problème d'écriture, ce qui veut dire un problème de réalisation. Dans l'exemple que je donnais dans Ensoap, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Par ailleurs, tout le reste du film me semble impeccable. C'est juste cette partie-là que j'ai trouvé un peu longue. Je me suis dit, c'est dommage, ça casse le rythme du film. Qui n'est pas du tout un film rapide, c'est un film extrêmement lent. Samuel, un petit mot avant de voir partir. Sur Annecy, sur cette année, sur des choses. Il y a juste le micro, vous ne voyez pas évidemment qui vient de partir. Il se remet bien le micro en face de la bouche. Non, mais enfin bon, c'est compliqué parce qu'on pourrait parler des heures. Il y avait des films intéressants en hors compétition, parce que du coup, j'ai vu quand même quelques programmes d'hors compète. Et donc voilà, il y aurait plein. Pardon ? Vénard. Vénard, ouais. Donc non mais voilà, bah merci de m'avoir accueilli, invité ici. Mais t'étais bienvenu, si t'avais eu au contraire, c'était juste. Et il y a les films, mais est-ce que par rapport au festival, il y a quelque chose qui t'a, c'est quelque chose que t'avais à dire ou non, rien de spécial? Non, rien de spécial. Non, c'était. Enfin moi, j'ai passé un bon moment. Bon. C'était chouette. Quoi. Bon, bah écoute, j'espère qu'on te retrouvera rapidement autour de ce micro. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, bonne fin d'émission à vous tous. Merci beaucoup. Et puis, Mickaël va pouvoir s'asseoir comme ça, le petit jeune de l'émission qu'on avait obligé à rester debout parce qu'il n'y a pas assez de chaises. Merci beaucoup. Sarah, qu'est-ce que toi, t'as marqué dans ce festival ou t'as pas marqué? Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? D'abord, c'est, je crois, enfin, quand on parlait de l'anniversaire, je crois quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde beaucoup de gens qui sont venus cette année. J'ai vraiment eu l'impression d'une foule. Et c'est pas le cas dans toutes les années. Et ça, ça, quand même, ça crée une ambiance qui est agréable. Et alors, je pense que ça correspond au fait que quasiment tous mes amis étaient là. Donc, ça, c'était vraiment. Très très chouette et voilà, ça c'est peut-être pour l'ambiance du festival dans son ensemble ce que j'aurais à dire. La programmation, moi, je l'ai trouvée bien, honnêtement. Pour ceux qui la critiquent tellement, j'aimerais leur rappeler gentiment la programmation d'il y a 2 ans qui nous a tous laissé un peu sur le flanc. La fameuse où il y avait que, pour ceux qui savent pas, il y avait notamment que 4 séances en compétition. Oui, notamment, séances. Et que les sélectionneurs avaient décidé que les films n'étaient pas suffisamment bons et qu'ils en mettraient que 4. Voilà. Voilà, ce qui est largement discutable. On a discuté déjà autour de ce micro, et ce que je trouve personnellement assez scandaleux, mais bon. Voilà, sachant qu'en plus, dans les 4 programmes sélectionnés, il n'y avait quasiment rien qui était intéressant. Enfin, c'était une grande catastrophe. Enfin, moi, j'ai un souvenir global assez catastrophique. Voilà, et sinon, moi, le film qui se dégage, il y a plein de films que j'ai beaucoup aimés, mais celui qui me vient à l'esprit le plus fortement, sans vraiment y réfléchir plus que ça, c'est Old Fangs, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé pour la qualité de son animation, l'humanité des personnages. Adrien Mérigeau, voilà, produit à Cartoon Saloon, qui avait fait notamment Brendan et Secret Call, son long métrage, ouais. Voilà, et donc, c'est l'histoire de... C'est l'histoire d'un petit loup qui est en expédition avec deux de ses amis, un renard et un chat. Et on les voit qui découvrent un paysage, visiblement, qu'ils ont connu autrefois et qui se demandent s'ils reconnaissent bien les lieux. Et on sent une tension, quelque chose de très, très humain. Et en fait, il s'agit pour le petit loup de retourner dans la maison de son père et d'affronter son père. Il y a eu visiblement un drame familial, une rupture. Il ne l'a pas revu depuis son enfance, et il se retrouve devant un personnage extrêmement imposant, et terrifiant. C'est vraiment le grand méchant loup du bois, et il n'arrive pas à recréer un lien, et on voit à la fin le petit loup repartir avec ses amis, avec l'impression que son père ne l'aime pas, l'a rejeté, etc. Et de son côté, le père qui se remet pas... j'aurais jamais dû. Voilà, enfin. Le film vaut le détour de toute façon. Juste parce que c'est vrai qu'on parle de beaucoup de films, vous savez, et là on va en parler de beaucoup. Sachez que on mettra sur The Web Anime notamment, je vous dirai à la fin. Moi j'ai déjà mis une partie des films d'étudiants que moi j'aimais dans la sélection étudiante. Je mettrai une partie des films de professionnels que ça sera mis entre aujourd'hui et demain sur The Web Anime en ligne, ceux qu'on peut voir en ligne avec des images, All Fangs étant disponible en ligne. Je mettrai bien évidemment le lien, c'est un film que j'aime énormément aussi, donc je mettrai le lien. Donc voilà, vous pourrez mettre des images et même voir les films, pour une grande partie des films auxquels on va parler aujourd'hui. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais voilà, je voulais, parce que les gens ne connaissent pas forcément tous les films, c'est vrai qu'on balance plein de courts-métrages, plein de noms, et des fois c'est un petit peu difficile. Donc All Fangs, oui, tout à voilà. fait. Ok, est-ce que d'autres ont aimé All Fangs? Richard? Moi j'ai beaucoup aimé ce film, je trouvais ça. J'ai été surpris par la fin, que j'ai trouvé un peu abrupte. J'ai eu un peu l'impression que tout d'un coup ils n'avaient plus de budget pour finir le film. Mais sinon, à part ça, j'ai beaucoup apprécié. Et puis j'ai discuté un peu avec l'auteur, qui en fait est français, c'était rigolo d'ailleurs, parce qu'on a commencé à discuter ensemble en anglais pendant 10 minutes. Pour finalement, au bout d'un moment, s'arrêter, je me suis dit, mais t'es français en fait? Ah bah oui, bah, et toi aussi? Et alors, complètement idiot. Et il m'a dit une chose. Il a fait quelle école? L'AMCA, non? L'AMCA, oui, c'est ça. C'était son projet de fin d'études en fait. Il avait présenté les 3-4 premières minutes en tant que projet de fin d'études à l'AMCA, pardon. Et il avait fait tout le début de son film, et après, donc, il a été produit et il est allé à Cartoon Saloon pour, Richard, pour finir. Voilà, c'était juste pour dire, c'est bien. On met un peu de pub, c'est bien aussi. Non, il m'a raconté une petite anecdote que je trouve assez intéressante et assez. Je trouve qu'elle est. Enfin, elle me paraît, en lumière de ce qui se fait en animation en général, assez... Enfin, je trouve très enrichissante. Il m'a dit qu'en fait, pour les voix, parce que je lui ai dit que j'avais trouvé que justement que les voix des personnages, les relations qu'il y avait entre les amis passaient extraordinairement bien, que les gars qu'il avait choisis étaient vraiment... ils avaient un ton que j'appréciais énormément. Il m'a dit, ouais, bon, j'ai fait un gros casting, on a fait passer plein de gens, et puis au final, j'ai pris 3 de mes amis. Qui ont fait les voix et effectivement ça passe de manière enfin leur camaraderie d'une certaine manière un peu magique transparaît dans la façon dont ils se parlent les uns les autres et je me suis dit qu'à notre époque où il était de bon ton d'afficher les noms d'acteurs super connus qui ont fait les voix de tel ou tel long métrage avec chacun ses tics et ses outrances reconnaissables d'un film à l'autre, parce qu'en plus c'est toujours à peu près les mêmes acteurs qui font les voix, je me suis dit, ah ben ça c'est rafraîchissant, on se rend compte que finalement il y a des relations entre les gens qui arrivent à transparaître simplement par la voix, ce qu'aucun acteur finalement n'est capable de rendre. Et j'ai trouvé ça assez joli. Sarah, tu voulais réagir ? Oui, pour ce film, moi j'ai vraiment une mention, j'aimerais bien signaler quand même que le travail sur le son est formidable, et il y a aussi bien dans la musique qui est minimaliste mais très très bien sentie, et voilà, que sur le son, la musique, j'ai trouvé ça magnifique. Et puisque tu as le micro, tu vas nous dire ce que tu n'as pas aimé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé ? Dans le festival ? Ouais. Ah, alors oui, alors j'ai encore rêvé d'elle, et qu'est-ce qui m'a vraiment... Pas forcément que les films, hein, ça peut être aussi les interviews du... pardon. je disais ça, pardon, excuse-moi. Pourquoi je suis obligé de forcément... Donc, au hasard, hein. Là, j'ai un blanc, là, non. Mais réfléchis. Oui, je vais réfléchir. On va passer à d'autres. Réfléchis, c'est quelque chose que t'as pas aimé. Encore une fois, ça peut être un film, bien évidemment, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on n'a pas aimé. Je te dirai quelque chose dans les 5 dernières minutes. Mais voilà, Marine... Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Qu'est-ce que t'as aimé? Et puisque non, ce que t'as aimé, on est quand même là aussi pour dire ce qu'on a aimé. Merde, j'avais en tête ce que j'avais pas aimé. Et ben commence par ce que t'as pas aimé. Alors c'est comme tu veux. Vas-y, je te laisse. Il y a deux choses qui m'ont vraiment déplu pendant le festival. Alors au-delà de la bonne ambiance que ça donne d'avoir beaucoup plus de personnes, puisqu'apparemment je crois qu'il y avait 2500 personnes de plus globalement, on m'avait dit sur le festival. Ouais. Voilà. Mais par rapport aux années précédentes, voilà. il y avait 2000 personnes de plus par rapport aux années précédentes. Non. Enfin bref. Moi j'ai eu l'impression qu'il y avait foule. Et honnêtement. Payer son accréditation et faire des queues de 4 heures pour devoir de nouveau payer pour avoir un ticket et aller aux séances de court-métrage, moi ça m'a un peu gavé. Parce que pour expliquer quand même les choses, en effet, tu fais la queue en tant qu'accrédité. Mais vraiment, on était énormément. On était vraiment énormément à avoir dû faire ça. Quoi. J'avais pas la crède. Ah, moi je. Bon, en fait, quand on n'a pas les. Comment dire les... Attendez, allez-vous parler sans les micros, ça n'a aucun intérêt pour les gens, parce qu'on n'est pas entre nous juste. Sur Internet, on peut faire les résas. Et honnêtement, tout était plein. Enfin, ils ne débloquaient pas les séances vraiment longtemps à l'avance ou des choses comme ça. Donc, ça a été le bordel pour avoir certains trucs. Et donc, au final, si on avait rempli son quota et qu'on voulait une séance en plus, nous, on faisait la queue, comme les années précédentes, pour pouvoir avoir des tickets. Sauf que, forcément, ils donnent la primeur aux gens qui payent leurs tickets. Fini, Marie. Te laisse pas les gens. Les gens ont la primeur pour la. Il y a deux files en gros. Il y a la file des gens qui payent, qui passent tous devant, et ceux qui payent pas et qui sont accrédités et qui attendent la fin des tickets rentrent en cours de séance. Enfin, ça m'est arrivé. Soit on rentre en cours de séance où on n'est même pas sûr d'avoir forcément une place en séance. Soit en plus d'avoir raqué son accréditation comme il se doit, on paye 3 € de plus pour une séance. Alors ça, c'est ce qui se fait pour tout le monde, sauf pour Thierry. Vas-y, explique-nous. Toi, sans accréditation, comment tu fais ? Non, j'avais une accréditation. Donc, j'avais mon badge. Notez bien. Hein, j'avais mon badge. Je suis arrivé jeudi matin, j'ai eu mon badge. J'avais fait aucune réservation parce que j'étais pas sûr de venir à Annecy, donc j'ai pas réservé parce que c'était pas la peine de prendre des places pour quelqu'un qui en aurait voulu. Donc, je suis arrivé, moi, les mains dans les poches. J'ai pris ma première séance à 14h. Je me suis présenté à la séance, file d'attente. J'ai fait la file d'attente et j'ai eu ma place. Et à chaque séance, et mes 8 séances, ça s'est passé comme ça. Et donc, t'as fait quoi comme séance ? Bah, 4 compétitions, 2 compétitions étudiants, et puis une compétition film commandité. Non, Dans la grande salle ? C'était où ? Non. Au Décavision ? À Décavision. Ah. Oui, au Décavision, ah ouais. Ça marche beaucoup. Enfin, Décavision, on va expliquer encore une fois, il faut parler dans les micros. Décavision est juste pour les gens qui n'ont pas aidé à Annecy, c'est des salles de cinéma qui se situent, c'est un complexe un petit peu plus loin du théâtre Bonlieu, qui est là, qui est l'endroit où le plus de choses se passent, et qui est une grande salle hein, de plus de 900 places, de 800 et quelques places, je crois, quelque chose comme ça. Les Décavisions sont différents, et c'est vrai que beaucoup de gens se concentrent sur la grande salle de Bonlieu, donc de ce théâtre, et la petite salle. Donc voilà, c'était à peu près les. Oui. Donc c'est vrai, il peut y avoir effectivement. Donc c'est vrai que Décavision, beaucoup de gens pouvaient rentrer plus facilement à l'intérieur. Et c'est vrai que toutes les séances après dommage avant-première, si t'as pas réservé, c'est pas la peine. Là. C'est vraiment. Mais moi, c'est la leçon du succès du festival. C'est qu'il fut un temps, effectivement, on s'est dit, il n'y a pas grand monde, il faut que le monde vienne. Bon, maintenant, il y a 7000 personnes, il faut les caser. Hein. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de séances pour pas assez de monde? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas assez de salles? Qu'est-ce qui a changé ou est-ce que. Qu'est-ce qui a changé, Thierry? Attends. On parle de 7500 accrédités. Donc, il faut toujours penser qu'il y a en même temps qu'il y a le MIFA qui draine en même temps beaucoup de professionnels qui viennent et qui se contrefoutent pour beaucoup des sélections et des programmations. MIFA étant le marché. Le marché. Donc, comme j'ai vu les pleines projections à Décavision, les salles étaient bien pleines, mais pas complètement pleines. Donc, si on fait vite un calcul, entre Bonlieu, donc le centre officiel et Décavision, il y a à peu près 3500 places. Donc, il y a 3500 personnes. Pour chaque séance Pour chaque journée, grosso modo. Pour chaque séance. Pour chaque séance, on part tranche de 2 heures. Donc, les 4000 autres, quid. Nous, c'était... Hein Marine, parle dans le micro. Nous, clairement, ces questions de queue et tout, ça, c'était pour Bonlieu, nous. La malchance a fait que la seule que j'ai faite pour Décavision, ils ont eu un problème de billetterie, ils n'ont pas voulu ouvrir d'autres guichets et compagnie. On est arrivé dans une compétition, et c'est mon deuxième gros coup de gueule, j'ai fait une séance, mais que j'ai trouvé abominable. J'ai trouvé ça irrespectueux au possible et en même temps anti-professionnel. Donc, Décavision, film d'études avec le juré dans la salle. En gros, les gens qui ont fait la queue en payant ou sans payer, de toute façon, sont rentrés en cours de séance. Personne pour t'arrêter pendant un court-métrage. Donc vraiment, t'as tout le monde qui rentre pendant les 3 premiers courts-métrages, ce qui était absolument immonde. Des gens en plus qui ont payé des places pour voir des demi-séances, puis qu'ils arrivaient en cours de troisième court-métrage. Et on n'a pas eu un seul film projeté correctement. On a quasiment tous les films dont le son a pété au bout de moins d'une minute. On a carrément des films qui ont été arrêtés. Des films qui ont été arrêtés par passé. Je crois que donc on a loupé 2 films comme ça. Ou des films qui ont été projetés une première fois avec la moitié du son, puis après plus de son, puis une deuxième fois avec sans le son au début, puis après un peu de son et tout. Enfin, c'était. Oui, parce qu'est-ce que Thierry, tu parles de la rançon du succès, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça suffit pas. Est-ce que la rançon du succès doit pas amener peut-être une exigence un peu plus importante de la part du festival? Et c'est un festival que j'aime beaucoup. De toute façon, si on se réfère aux exigences du CNC, il y a des exigences techniques. De toute façon, aussi bien à Bonlieu qu'à Décavision, ils doivent respecter des normes de projection, des normes de matériel, des normes de son. Tout ça est juridiquement est calé. Donc maintenant, après, si Décavision, lui, il loue ses salles, 4 salles pendant une semaine et qu'il fait son chiffre, après, lui, le problème technique, effectivement, c'est secondaire pour lui. Là, je crois qu'il y a un peu, peut-être un petit peu un laisser-aller sur le suivi de l'évolution du festival. On remplit, mais on remplit à quelles conditions? C'est ça le problème, ouais. Rémi, Florentine, vous avez eu ce problème aussi d'entrer dans les salles, Florentine? Moi pas, enfin, c'est vrai que là, avec l'accréditation journaliste, c'est vraiment très bien. On n'a pas ces problèmes de réservation qui sont toutes rouges. Pour les journalistes, tout était vert, donc j'ai pris mes places. J'ai vraiment pas eu de problème. Mais j'étais avec même Mickaël, je suis pas sûre que tu aies eu toutes... Enfin, dans notre appartement, j'étais avec des étudiants ou des gens qui avaient une accréditation juste pro et qui n'ont pas pu faire toutes les séances ou à qui j'ai donné des tickets. C'est vrai que je voyais, moi qui avais fait d'autres... les 4 années avant où j'étais étudiante, c'est vrai que même pour les soirées d'ouverture, etc., on faisait la queue pas si longtemps que ça et on arrivait à faire tout ce qu'on voulait. Mais cette année, c'était particulièrement difficile, et surtout pour les étudiants. Enfin, c'est vrai que j'ai eu plein de retours d'étudiants qui ont beaucoup, beaucoup galéré et qui n'ont pas réussi à avoir tout ce qu'ils voulaient, même voir presque rien. Voilà. pendant que Marine réfléchit à ce qu'elle a aimé quand même et Sarah à ce qu'elle a pas aimé, Rémi, un petit mot et après Richard aussi veut réagir. Un petit mot sur ce que j'ai aimé et pas aimé. Non, déjà un petit mot sur, t'as eu des problèmes au niveau, toi aussi tu confirmes au niveau des salles, c'était un peu compliqué et... Pas tant que ça en fait, mais c'est surtout au niveau des réservations, donc j'avais l'accréditation étudiant et c'est vrai que les rares fois où j'ai vérifié sur internet, tout était tout le temps rouge en fait, ouais, donc rapide, il fallait hein, se débrouiller avec les autres personnes, faire un peu du troc sous le manteau, tout ça, mais... J'ai quand même réussi à avoir à peu près tout ce que je voulais, sauf une séance de court-métrage dans la grande salle, justement là où on s'est fait refouler d'assez triste façon, alors qu'il restait des places libres dans la salle, qui étaient soi-disant réservées à ceux qui avaient leurs billets, bien que pourtant je crois que les billets ne sont plus valables une fois que la séance est commencée. Enfin, officiellement, voilà, 5 minutes après le début de la séance, normalement je crois, on doit libérer les... Et puis juste pour très rapidement, je m'étais payé le luxe de faire 2h15 de queue pour l'illusionniste. C'est vrai que personne n'a pu rentrer, même des personnes avec des invitations n'ont pas pu rentrer aussi à la fin. Enfin voilà, c'est pas grave. Oui, là c'est passé un petit. Si le film avait été bon au moins, mais en tout cas, Richard, tu voulais juste réagir 2 secondes avant que Sarah nous dise. Oui, non, en fait, moi j'avais une accréditation professionnelle, mais juste festival, pas MIFA. Bon, j'ai pu réserver les séances de court-métrage très longtemps à l'avance, à l'ouverture un mois avant. Là. Mais je m'étais contenté de ça, et ensuite j'aurais essayé une fois ou deux dans la semaine. Impossible de réserver quoi que ce soit. Il y a peut-être quand même donc 2 vitesses qui sont... Ça ne m'a pas gêné outre mesure, parce que finalement, je n'ai pas cherché vraiment à voir grand-chose d'autre. Mais... Non, mais qu'en étudiant et qu'on vient pour la première ou deuxième fois, non, voilà, il y a peut-être de chemin, enfin de vitesse aussi, c'est peut-être un peu embêtant, alors que le festival d'Annecy s'enorgueillit en effet d'avoir sûrement un nombre d'étudiants énorme. Comme disait Sarah tout à l'heure, il y avait plus de monde cette année parce qu'il y a eu aussi pas mal d'invites, un truc comme ça. Avant d'aller taper sur l'organisation du festival, il va falloir juste regarder si ça se reproduit l'année prochaine. Quoi. Oui, sauf que les invités ne vont pas voir des films. Sarah, c'est vrai, t'allais nous dire, t'allais nous dire ce que t'avais... Ce que j'ai pas aimé. Non, franchement, j'ai passé une excellente semaine et c'était formidable à tout point de vue. Il y a une chose peut-être, une réserve que j'aurais et sur une chose qui se reproduit d'année en année, c'est au moment de la remise des prix, il y a toujours un prix qui rafle 3-4 awards. Film, Ricky, Et je trouve que il y aurait certainement une organisation à trouver pour éviter que ça se produise, parce que, bon, effectivement, il y a des films qui remportent beaucoup de suffrages et c'est bien, mais c'est pas forcément eux qui sont... Enfin, c'est pas pour ça que ce sont les seuls bons films de la programmation. Il y a quand même assez peu de prix pour l'ensemble des films. Et ce serait bien de pouvoir mettre en lumière certains films, comme par exemple All Thanks, qui a rien eu du tout et qui était suffisant... Enfin, qui aurait pu être primé. Mais est-ce que c'est le nombre, ce que tu disais que je trouvais intéressant, est-ce que c'est pas le nombre de prix qui est pas suffisant? Plutôt que le nom, parce que là, par exemple, sur Cinnaman, qui est l'homme en colère dont tu parles par rapport à cette année, il a eu le prix UNICEF, c'est un jury, il a eu le prix du public, qui est évidemment notre jury, et il a eu un prix dans le public, qui est un autre. Par exemple, moi, je peux te dire, étant, il y a un petit le comité de sélection voit le jury au niveau du, à un moment donné, le midi, eux, ils ont fait leur délibération, ils ne savent pas le prix du public. On n'a pas su le prix du public, par exemple. Pour le prix du public, moi, je comprends. Effectivement, le public ne peut pas changer de prix au dernier moment, ce n'est pas possible. Par ailleurs, moi j'ai participé à un jury de remise de prix. Il suffit de délibérer 2 minutes avec l'autre jury, de savoir ce qu'ils ont choisi. En général, on a quand même quelques films qui sont quasiment ex aequo. On peut en choisir un autre. Enfin, voilà, c'est pas aussi carré que ça. Et je trouve que ce serait pas mal que les jurys puissent communiquer les uns avec les autres avant la remise des prix pour essayer d'étaler au maximum. Okay. Voilà, et de mettre en lumière des films qui. Ah, attends, je suis pas trop d'accord avec ça. Ah, attends, Thierry, vas-y. Non, je suis pas d'accord, c'est un premièrement le jury souverain de toute façon, et s'il y a un très très bon film qui remporte plusieurs prix, je veux dire, c'est tant mieux pour lui, c'est un peu la loi du palmarès et de la course, de la compétition. Après que le jury se consulte, ça commence un peu à faire magouille, tu vois, dire ah toi t'es belge, toi t'es suisse, un yougoslave. Enfin bon, j'ai déjà vécu moi la sélection plusieurs fois ce genre de choses et à la fin, je dis pas qu'il y a magouille, mais toujours un petit peu d'échange pour sauver un film à la fin. Alexis a été membre du jury, donc c'est très bien comment ça se passe. C'est toujours une espèce de compromission, on va dire. Bon, qui est pas mais malhonnête. De toute manière, les prix sont une compromission. Mais donc justement, ça, l'un aime le bleu, l'autre le rouge, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, donc ils choisissent le violet que personne n'aime forcément. Non, mais vraiment comment ça se passe. On a vu des prix par défaut. Annecy, ça a déjà arrivé, mais c'est arrivé dans tous les festivals. Des prix. Cette année encore. Comment cette année encore. Cette année, oui, mais il n'y avait pas de grandes choses qui permettaient aussi de relever le... Bien sûr. Donc, par rapport à ça, par rapport... Est-ce que donc l'idée n'est pas même de mettre un... Puisqu'en plus, ces prix n'ont pas de... Il n'y a pas d'argent. Est-ce que l'idée n'est pas de mettre plus de prix? Parce que de toute façon, si on multiplie les prix, après, il n'y a plus tellement de valeur. Parce que s'il y a des centaines de prix... Ça dépend. Pourquoi il n'y a pas un meilleur prix du... Pourquoi il y a un prix du meilleur scénario? Oui, bon, peut-être on pourrait en mettre quelques-uns. Pourquoi il n'y aurait pas pris du meilleur réalisateur? Attends, juste, Sarah. Mais en même temps, je ne pense pas que ce soit une bonne chose de multiplier trop les prix, parce que du coup, chacun perd de sa valeur. Mais bon, je maintiens ma position, comme quoi ce serait quand même pas mal de pouvoir mettre... Parce que souvent aussi, il y a des noms de l'animation qui vont rafler. Il y a des choses qui agissent, qui ne sont pas forcément uniquement la qualité des films. Et voilà, je pense que ce serait plus juste que les jurys puissent délibérer. Okay. Entre Thierry, ensuite Richard et ensuite Florentine qui me pincent quasiment pour dire il faut que Michael parle. Il peut parler quand il veut, Michael, bien évidemment. Il me fait un grand signe et il parle. Juste un mot sur le prix spéciaux. Le jury est libre de donner ce qu'il veut comme prix et avec les mentions. Le prix du meilleur décor, le prix du meilleur machin truc, ça il est libre. Donc ça existe toujours et ça existe depuis que Jean-Luc a repris le festival. Et déjà au départ, j'avais dit à Jean-Luc, tiens, ce serait bien qu'il y ait un prix pour le montage, pour la bande sonore, qu'on ouvre un peu. Quant à augmenter les prix, je pense pas. C'est dénaturer les prix. Je trouve même qu'il y en a beaucoup trop. Moi, mon goût, il y a des prix qu'on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Enfin bon. Richard, avant de donner la parole à Michael, t'as intérêt à voir quelque chose? Parce que Florentine va t'engueuler sinon. Moi je pense qu'effectivement je comprends la position effectivement de Thierry. Je me souviens de Thierry et puis qui est celle quand même plus ou moins du festival. Je crois quand même que quand le problème c'est que du coup on a l'impression des fois que il vaut mieux faire un film sur l'enfance maltraitée ou que c'est encore le meilleur moyen d'avoir plein de prix à Annecy. Ça fait quand même 2 ans que ça arrive. Il y a des on peut pas nier le fait que il y a des sujets, je vais pas dire racoleurs parce que ça serait pas rendre justice à ces deux films qui sont des bons films que j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé Cinnamon. J'ai trouvé que la fin était un petit peu cuculapraline, mais je trouve un petit peu bizarre qu'il rafle 3 prix quand même. Mais j'ai bien aimé ce film. Ce qu'il ait eu un prix, voire 2, me choque pas. Qu'il en ait 3, ça me gêne. Ça me gêne parce que on le voit cette année. Quand tout d'un coup il s'agit de se rappeler de l'historique d'Annecy, qu'est-ce qu'on sort? Les primés. Donc tout d'un coup, tous les bons films qu'il y a eu cette année, mais qui n'ont pas été primés, passent dans l'oubli total de l'histoire du cinéma d'Annecy. Ce qui est un petit peu dommage, parce que pour moi, Annecy devrait avoir pour objectif de mettre en lumière quand même un certain nombre de films, et pas de se contenter de primer un ou deux, comme j'ai déjà vu ça faire depuis plusieurs fois en ces 5 ou 6 dernières années. En 2006, on a quand même eu 2 films qui ont raflé 5 prix à eux tout seuls, qui étaient des bons films. Mais il y avait plein d'autres bons films cette année-là. Hein. C'était Regina Pessoa. C'était Le Pessoa et c'était le Joanna Quinn. Bon, cette année-là, il y avait quand même Fable, qui était un film extraordinaire. C'est qui est un film que moi je revois encore maintenant de temps en temps avec plaisir. Alors que Le Pessoa ou le Joanna Quinn, ils sont déjà passés pour moi dans les âmes de l'oubli. C'est des films qui durent pas. C'est des films qui sont très beaux, très bien faits, mais qui n'ont pas assez de cordes, qui n'ont pas assez de cœur pour résister à la revision régulière, à mon sens. Non, Thierry ne parlera pas, c'est Michael après, même sur le long soupir. À mon avis, bon. C'est un long soupir. Mais en tout cas, qu'ils aient eu des prix à l'époque ne me choque pas. Qu'ils aient tous squatté me gêne, parce qu'il y avait d'autres bons films qui méritaient d'être mis en avant. Et qu'on ne me dise pas que chaque année, il n'y a qu'un bon film qui mérite. Ce n'est pas vrai. Même cette année, il y avait 4 ou 5 films qui tenaient vraiment la route, qui auraient mérité que leurs auteurs soient mis en avant. Et je ne dis pas ça parce que j'avais 2 films en compète. Moi, je pense effectivement à des films comme Hands Up, à des films comme All Things, qui n'ont rien eu et qui vont être oubliés. Alors que, le chat avec son truc, là, on aurait pu... Qu'il ait eu le prix du jury jeune, ça me choque pas du tout, c'est tout à fait normal. Mais quitte à donner une mention spéciale, puisqu'apparemment, il y avait une douzaine de films qui auraient mérité. Alors peut-être qu'ils auraient pu savoir que le jury jeune avait déjà donné un prix en choisir un autre. Ce qui est bizarre, ce qui est super relativement cohérent. Excuse-moi, mais ce qui est bizarre, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur finalement le palmarès, ce que je peux comprendre quand on est producteur et réalisateur. Il y avait un jury qui était particulier, qui était avec un monsieur qui s'appelle Patrice Lecomte, qui connaît assez peu l'animation quand même, malgré tout. J'ai discuté avec lui, je peux me permettre de le dire. Même c'est un réalisateur qu'on peut aimer à part ça. Le réalisateur du Roi Lion et de la Petite Sirène, on peut aimer aussi ces deux films-là. Oups, excuse-moi Thierry. Mais voilà, j'ai parlé un petit peu avec lui, on avait une vision un peu différente. Et puis la troisième, qui était donc la directrice d'Hiroshima, qui est une vraie personnalité, mais qui en gros, elle par exemple, en toute japonaise qu'elle était, a dit, et je pense que c'est pour ça aussi, il y a certains films, en toute japonaise qu'elle était, a dit, c'est déjà bien, nous les japonais, il y en avait beaucoup en compétition, on est déjà contents. Pour eux, c'est déjà la récompense. Dans cette idée très japonaise de se dire, voilà, on est déjà content qu'ils soient en sélection et on n'a pas à dire. On ne peut pas, malheureusement, il va rester que 5 minutes et j'aimerais bien que les dernières personnes disent un peu ce qu'ils ont aimé, pas aimé. Bah oui, ça va vite. Et puis voilà, donc bon, on va commencer par Michael. Après, il va y avoir Rémi, Florentine. Et puis Marie, tu nous dois ce que tu as aimé quand même. Et puis toi aussi, Thierry, décidément, il nous reste en 5 minutes 5 personnes plus moi. C'est un petit déj de Gromberg. Vas-y, Michael, vis-à-vis Michael, laisse pas. On t'écoute. Alors, deux choses pour répondre déjà à ce sujet-là. Juste pour le prix du public, en fait, donc c'était des petits flyers qui étaient distribués à la sortie. Il n'y a jamais eu un seul. Ouais, voilà. Il y a eu un problème, je pense. Florentine. Il y a eu un problème d'organisation à ce niveau-là parce que il y a des fois où j'aurais voulu voter et puis on est pris par le temps, vite la séance suivante, il y a trop de monde parce qu'il fait chaud et tout. Enfin, c'est assez éprouvant quand même, festival. Et donc, je sais pas, il y a peut-être un autre système d'organisation à trouver pour voter, en tout cas pour le public, quoi. Parce qu'en fait, le prix du public cette année, en fait, je sais pas, ça vise peut-être aussi une catégorie de gens. Comment dire est-ce que ceux qui ont vraiment aimé. Comment il s'appelle déjà ? Cinnamon. Est-ce qu'ils se sont précipités sur je veux voter absolument, etc. Et est-ce que d'autres films que le public aime Miguel, en fait, le vrai problème de ça, c'est aussi compliqué, c'est que moi je me suis rendu compte, parce que c'est nous qui avons fait la programmation, c'est jusqu'à d'un seul coup, tu te dis, ok, ça on l'a mis dans tel programme, ok, c'est évident. Et Cinnamon était dans un programme où en effet, c'était évident qu'il allait. On l'a vu, Cinnamon, on a dit, il va avoir le grand prix du public, il y a de grandes chances. Le public a besoin de montrer aussi souvent qu'il aime un film, en effet, avec un sujet qui est lourd ou un sujet qui est... Et après, c'est pas que je veux pas rester trop longtemps sur le prix du public, c'est qu'en effet, tu l'as dit toi-même et je trouve ça parfait, ça reste super aléatoire malgré tout. C'est-à-dire que si c'était comme à une époque donnée avant, pour tout vous dire, on donnait un papier à l'entrée de la salle, chaque film, fallait mettre 1, 2, 3, 4, 5, selon qu'on aimait beaucoup ou pas du tout le film. Et donc, il y avait vraiment une règle mathématique et les gens prenaient, on disait, ah bah tiens, il a eu 1, etc. Donc, il y avait tout un... Là, aujourd'hui, c'est fini, on note le film qu'on préfère. Donc, selon la séance, il suffit que, c'était complet, il suffit que les gens aient plus. Est-ce qu'on fait un ratio par rapport au nombre de votants, etc.? Bon, voilà, le prix du public est malheureusement, à mon avis, très très aléatoire, en tout cas en ce qui concerne le festival d'Annecy, largement à mon avis, ouais, tout à fait. Et puis sinon, pour répondre à Florentine tout à l'heure, là, pour les accréditations, donc moi étudiante, je me suis pris déjà à l'avance, donc c'était quelques jours avant le début du festival, c'était à 10h30 le matin, alors que c'était... sur internet, on s'est précipité en un quart d'heure, il n'y avait déjà plus rien pour les réservations. Ouais. Mais là, j'ai quand même pu réserver une dizaine de séances. Et ensuite, à 14h, le premier jour du festival, c'est pareil, au taquet sur Internet. C'était super dur de se connecter, mais j'ai pu quand même réserver un peu plus de 5 autres séances. Et donc moi, j'ai vu tout ce que je voulais voir, c'est-à-dire tous les courts-métrages et tous les films étudiants. Donc, bon, voilà, comme quoi, il faut se battre. Maintenant, vous avez 15 secondes chacun, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, c'est parti. Moi, il y a un truc, mais je savais en fait que j'allais l'aimer. T'as déjà dépassé, regarde, il y a Francis, regarde-le, comme il est méchant. il a 2 heures, il a plein de gens super intéressants, il veut qu'on coupe. C'était la séquence d'impro d'Harmonix du jeu Rock Band que j'avais découvert sur internet. Donc c'est un truc tout en... Ah non, pas tout en 3D, il y avait quand même l'animation des personnages en 2D. Que je trouvais, l'univers vraiment trop joli et je l'ai vu sur grand écran et là j'ai vraiment trop kiffé. Encore plus, est-ce que t'as pas aimé? Non, il n'y a rien, vraiment. Génial. Ouais, ce que t'as aimé? Alors, je vais la faire courte. Dans ce que j'ai aimé, donc, j'ai beaucoup apprécié On Soap aussi. Enfin, je peux pas dire que j'ai passé un bon moment devant, mais le film était tellement dérangeant et tellement beau graphiquement aussi, plastiquement, que j'ai trouvé ça absolument formidable de se faire un peu déranger par ça, justement, par ce film qui était, et je trouve regrettable qu'il n'y ait pas eu plus de films qui nous emmènent un peu dans des directions pas agréables comme ça, mais qui secouent un petit peu les spectateurs. J'ai aussi pas mal été transporté par les journaux de l'Ipsept, même si j'ai trouvé qu'il y a un peu trop de dialogue, enfin un peu trop de voix off, ça cassait un peu l'image qui était super belle, et le propos aussi. J'avais mes petites croix aussi dans mon essentiel, j'aimerais juste parler d'un film d'étudiant. On te laisse trouver le film d'étudiant. Voilà, je l'ai trouvé, Jeu pluriel de La Poudrière, que j'ai absolument adoré aussi. Là aussi, pour encore le fait que ça sorte un peu du cadre de l'animation, que ça renouvelle un petit peu le genre et que ça. Là aussi, je me suis senti un peu bousculé, pas du tout de la même manière qu'on soupe, mais par une autre manière, qui est une façon de raconter très différente. Et je crois que j'en ai terminé avec des films que j'ai aimés. Et t'as pas aimé. Florentine. Je vais citer des films qui n'ont pas encore existé. Il y avait Mademoiselle Remarquable et sa carrière de Johanna Rubin. Oui, parce merci. Que Francis. Voilà. Généralement, quand on le regarde, ça, même si on n'aime pas le trait et tout, ça peut nous parler. Et bon, ouais. Il y a certains trucs où tu te dis, ouais, je me reconnais bien. Enfin, ouais, on mettra des extraits sur The Web Anime. Il y avait aussi Dyslexia en hors compète. Et c'est vrai qu'en hors compète, il y avait pas mal de choses intéressantes, mais on n'a pas trop le temps d'en parler. Et ce que j'ai pas aimé, c'est Bromberg et sa tondeuse à la soirée de clôture. C'est de plus en plus pitoyable. Voilà. Thierry, vite. Et Francis, viens, tu vas nous dire un petit mot rapide. Je sais, tu me détestes. Thierry, vite, vas-y. Alors, moi, j'adore les compétitions étudiantes. Ouais. Le premier film, ça c'est vraiment pour moi, c'est toujours des découvertes. Et là, j'ai bien aimé un film russe sur des crottes de chien. C'est assez bizarre, mais ouais. C'était très marrant. Ivan Maximov, qui ressemble très à ce que vous avez. Ce que je n'ai pas aimé aux différentes choses, mais un film que j'ai particulièrement détesté, c'est un film japonais, je crois, sur l'histoire d'un couple qui emménage dans un appartement. Et qui en marionnette. Oh, j'ai trouvé ça insupportable. Marine. Long. Parce que j'ai adoré le bouquet de pommes de terre de Gilles qui était trop mignon sur la scène de Bonlieu et les soirées interminables au bar. Francis, merci pour ton prix film précis. Oui. Tu nous rappelles ce que c'était? Oui, donc le film s'appelle. Alors d'un seul coup, j'ai un trou. Chut, Miss Remarquable et sa carrière. Voilà, Miss Remarquable et sa carrière, merci Florentine, en français. Voilà, qui est un film d'une demi-heure sur une artiste confrontée finalement à de méchants critiques. Ça nous a beaucoup plu, nous, en tant que critiques de cinéma, de donner un prix à un film comme celui-ci, parce qu'elle est sans arrêt en butte à la critique et elle ne peut pas exprimer sa créativité parce que tout le monde la rejette. Et on a trouvé que c'était important de donner un prix à ce film-là, qui en plus était sur une demi-heure, qui avait un graphisme pas évident, noir et blanc, un peu sale. On pourrait presque penser en moins trash à Film L'Œil. Donc voilà, donc on était ravis de pouvoir aller vers ce film. Alors donc moi, pour finir, merci beaucoup, donc parce que j'adore Miss Remarkable, je pense que c'est un des films que j'ai préféré. On l'a dit, mon coup de cœur énorme, et je pense qu'on va le revoir, Kaoyama, c'est un type incroyable, c'est Anne Soap. Je pense que vraiment l'un des plus beaux films, je ne comprends pas qu'il ait pu sortir sans aucun prix, même si j'adore All Things, plein de films dont on a parlé. Vous retrouverez tout sur The Web Anime, ZEWEBANIME.com, surtout pour les images, parce que c'est toujours un peu difficile de parler. Mais Anne Soap est vraiment un film absolument incroyable, et ce que j'ai vraiment pas aimé, et Serge, si tu m'écoutes juste, arrête de faire les petit déjeuner. Juste, vraiment, t'es quelqu'un très très bien. Et je sais que ça peut faire bizarre que je parle, je tutoie comme ça, il écoute sûrement pas et on peut se dire, juste c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais que il faut pas massacrer les gens juste pour les massacrer. C'est super difficile. Voilà. Guillaume, Francis, tout le monde me fait des grands signes. Ron et Sébastien aussi. Vous allez avoir encore une heure d'animation. Et puis voilà, donc ils rentrent dans le studio, vous sortez du studio, il n'y a pas de générique de fin parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir un générique de fin. Donc on va mettre le générique du début et je continue à parler. On se retrouve le 17 juillet pour une nouvelle émission. Et je vous laisse avec l'incroyable Sébastien Lodenbach qui a fait un film magnifique. Vous allez voir, c'est absolument incroyable. Et donc voilà, est-ce que je suis toujours en direct ?